إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on va commencer, Inch'Allah. On est aujourd'hui dans le cours 19. Et la semaine passée, on a expliqué, on a réfuté un des arguments que les gens qui parlent de démocratie au nom de l'islam amènent. Ils parlent souvent, par exemple, du fait que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal que de rentrer dans la démocratie. Donc, on a expliqué que ça, c'est faux. Que c'est au contraire, c'est pas d'ordonner le bien et d'interdire le mal, mais c'est d'ordonner le mal et d'interdire le bien que de rentrer dans la démocratie. Et puis, maintenant, il y a quelques autres shubuhat qu'ils utilisent. Le cheikh, il a mentionné quelques-unes. Par exemple, il mentionne le fait que, par exemple, lorsque Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il est mort, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il a désigné Omar, d'accord? Et lorsque Omar, radiallahu anhu, est mort, il n'a pas désigné une seule personne. Il a choisi un homme de Sahaba, et puis il a dit au chef, ou disons, au plus âgé, au plus savant parmi les musulmans, de choisir entre eux un musulman, un des sahaba, un de ces six-là, pour être le khalifa des musulmans. Donc, c'est comme s'il a choisi, il a désigné un homme, puis il a dit, choisissez dans un de ces six-là, celui qui est, selon vous, le plus apte à être le khalifa. Donc, eux, ils utilisent ça comme un argument pour dire, ah, mais ça, c'est comme la démocratie, hein. Bien entendu, il y a beaucoup de différences entre ça et la démocratie, mais on va voir en quelques détails de ça. Après, le fait que Abdurrahman ibn Auf, il a demandé conseil à certaines personnes sur lequel choisir entre ces personnes-là, entre Ali et Othman. Entre Othman, radiallahu anhu, et Ali ibn Abi Talib, hein, avant de choisir, il a demandé conseil. Et donc ils disent, regardez, ça c'est comme la démocratie. Bien entendu, il y a des différences entre ça. Puis ils citent une référence aussi, où soi-disant que Abdurrahman ibn Auf serait parti demander le conseil des femmes, pour demander lequel il devait choisir. Et le cheikh, il explique que cette narration-là, elle n'est pas authentique. Et il montre la preuve que dans les chaînes de narrateurs, de ceux qui ont transmis cette histoire, il y a des gens qui sont accusé de mensonges, ainsi de suite. Donc, c'est pas des preuves authentiques qu'ils utilisent. Donc, on va lire ces trois petits points-là que le cheikh mentionne avant de rentrer dans un point un peu plus important ou plus sérieux. C'est la question de l'ijtihad, ok, que le cheikh a mentionné, qui est un point très très important parmi les shubuhat que les gens de cette catégorie-là utilisent pour essayer de justifier ce qu'ils font. Donc, le cheikh, il dit, وَمِمَّا اسْتَدَلُّ بِهِ صَنِيعُ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى بِالْخِلَافَةِ شُورَى بَيْنَ سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال عمر ويشهد عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر شيء. ثم بعد المشاورة اختير علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. ووجه الدلالة أن صنيع عمر هذا مثل ما يحصل في الانتخابات لا فرق. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن هذا فيه أن هذا الذي فعله أمير المؤمنين يسمى شورى، أي جعل الأمر شورى وليس انتخابات ديمقراطية، وقد مضى ذكر الفرق بين الاثنين. والوجه الثاني أن الذين أوكل إليهم عمر أمر الخلافة من أفاضل الصحابة وأتقاهم، بل هم من المبشرين بالجنة، فهم لا يختارون للأمة إلا الأهدى والأصلح. وفرق كبير بين هؤلاء الذين هم من أهل الحل والعقد وبين استفتاء العامة الذين من بينهم الخمارين والفسقة والمبتدعة وغيرهم من أهل الباطل. ومن أراد الوقوف على القصة بطولها فهي في صحيح البخاري. Donc le cheikh il répond à cet argument là. Il dit que les gens ont pris comme argument l'acte de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui avait désigné la question du khilafa c'est-à-dire il l'a désigné à la consultation entre 6 personnes, hein, parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voici leurs noms: Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha, Al-Zubayr, Abdurrahman ibn Awf et Sa'ad ibn Abi Waqqas. Donc ces 6-là, c'était les 6 que Omar ibn al-Khattab avait désignés, et il a dit choisissez le khalifa entre ces 6-là. Et ils disent regardez, ça c'est comme la démocratie, il y a des candidats puis il y a un choix, hein, ils essaient de comparer ça. Et le cheikh il répond, il dit que, ah oui, il dit, oui. Et aussi Omar ibn al-Khattab avait établi comme témoin son fils Abdullah ibn Omar. Son fils Abdullah ibn Omar comme témoin, mais il a dit lui, il n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire lui, son fils Abdullah ibn Omar, il est seulement un témoin, il n'a pas de, c'est-à-dire vous ne pouvez pas le choisir parmi les 6, il est juste là comme témoin, il n'a rien à voir avec la question du khilafa. Ok, donc ça c'est un point important, et il y a une histoire à ce sujet-là qui est rapportée en fait, au sujet de son fils Abdullah ibn Omar, parce que une fois Abdullah ibn Omar, il devait divorcer sa femme, son père lui avait demandé de divorcer une de ses femmes, et il a obéi à son père, et il a divorcé la femme, mais tout ce qui est arrivé c'est qu'il n'a pas divorcé comme il faut, il a divorcé d'une façon qui est contraire à la sunna. Il a divorcé durant ses règles. Alors il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il lui a dit j'ai divorcé la femme, mais durant sa période de menstruation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, c'est pas correct, reprends-la, puis attends qu'elle se purifie, puis après tu la divorces sans que tu aies des rapports sexuels avec elle, et puis ensuite tu attends, tu prononces le divorce, puis tu attends les périodes, les 3 périodes de menstruation, puis après ça, elle est divorcée. Donc, quand c'était arrivé, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit par la suite, plus tard, comment il pourrait être khalif à mon fils, il ne sait même pas comment divorcer sa femme. Hein? On a dit comment il pourrait s'occuper de la Umma, alors il ne sait même pas comment divorcer sa femme comme il faut. Donc c'est juste un exemple que Omar ibn Khattab avait montré pour dire qu'il ne voulait pas que son fils soit khalifa. Et ensuite, après qu'ils ont fait après que les Sahaba, ces 6-là, ont fait la consultation entre eux pour choisir le meilleur, ils sont arrivés à un choix entre deux personnes. Ali ibn Abi, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Donc ils avaient, maintenant ils étaient entre ces deux-là. Ils devaient choisir entre ces deux-là. Ok? Et donc, eux, ils comparent ça avec les la démocratie. Ils disent c'est la même chose que le vote. Ouais, alhamdulillah. Donc ça c'est grave comme comparaison. Et le cheikh il dit, la réponse à ça c'est de deux points de vue. Le premier point pour répondre à ça c'est que ce que Omar a fait ça s'appelle Shura, ça s'appelle pas démocratie ou élection démocratique, ça n'a rien à voir. On a déjà expliqué la différence entre les deux, entre la Shura puis les élections. Le deuxième point de vue c'est que Omar il n'a pas donné le choix pour ou la parole ou la position ou les voix à ces individus-là parmi n'importe qui, parmi les musulmans. Il n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi les meilleurs parmi les musulmans, il a choisi les plus pieux parmi les sahaba. Et non seulement ce sont les plus pieux, mais ils ont tous reçu l'annonce du paradis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ces six-là font partie des 10 qui sont promis au paradis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a choisi parmi les meilleurs des musulmans à l'époque. Il n'a pas pris n'importe qui et il n'a choisi que les mieux guidés et les plus pieux et les meilleurs dans leur religion et dans leur compréhension et dans leur connaissance. Et il y a donc une différence entre ça et entre ce que font les gens qui demandent le vote des gens qui boivent de l'alcool, des gens qui font des péchés, des gens qui qui font des bid'ahs ou d'autres gens parmi les gens de la société qui sont sur des choses qui sont fausses. Donc, on peut pas comparer le fait que Omar ibn al-Khattab a demandé à ces six-là de donner leur consultation entre eux pour choisir un d'entre eux pour diriger la Ummah et ce que les gens font au nom de la démocratie aujourd'hui, de demander à n'importe qui leur point de vue et leur voix. Et celui qui veut l'histoire au complet de qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la succession de Omar ibn al-Khattab, ils peuvent retourner à Sahih al-Bukhari dans les mérites des Sahaba et l'histoire de la Bay'a et comment ils se sont mis d'accord sur Uthman ibn Affan par la suite. Ok? Après le Cheikh il dit وقالوا إن عبد الرحمن بن عوف قد سأل الناس عن عثمان وعلي وهذا يعتبر نموذجا لما يحدث في النظام الانتخابي. الجواب إن عبد الرحمن لم يسأل الناس جميع الناس، إنما سأل ذوي الخبرة والرأي المستقيم من أهل المدينة، بعكس الانتخابات فهي كما تقدم استفتاء لجميع الشعب مؤمنهم وكافرهم وتقيهم وفاسقهم. الشيخ الزي que ces gens-là, ils ont ramené un autre exemple par la suite, ils ont dit qu'Abd al-Rahman ibn Auf a demandé aux gens, à propos de Uthman et Ali, lequel des deux méritait plus ou avait plus de qualité pour être le khalifa, et ça c'est comme dans la démocratie, c'est comme dans le système électoral. Et le chef, il répond, il dit, Abd al-Rahman ibn Auf, il n'a pas demandé à n'importe qui ou à tout le monde. Il a uniquement demandé aux gens qui ont de la connaissance et qui ont une opinion qui est droite parmi les gens de Médine, contrairement à la démocratie qui se base sur l'opinion de toute la population, que ce soit des croyants ou des non-croyants, et que ce soit des gens pieux ou des gens pervers. Ils ne font pas de distinction, et donc il n'y a pas de comparaison entre les deux. Après, il cite les paroles de l'imam As-Suyuti. Il dit « قال السيوطي بويع بالخلافة يعني عثمان بويع بالخلافة بعد زمن عمر بثلاث ليال فروي أن الناس كانوا يجتمعون في تلك الأيام على عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه فلا يخلو به رجل ذوي رأي يعدل بعثمان أحدا. قلت تأمل قوله فلا يخلو به رجل ذوي رأي يتضح صحة ما ذكرت. تأملت قوله فلا يخلو منه فلا يخلو به رجل ذو رأي يتضح صحة ما ذكرت بأن الشورى تكون لمن له رأي سديد بعكس النظام الانتخابي. Donc le cheikh il dit que l'imam As-Suyuti, il a décrit la situation, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Il a dit que les gens ont donné la bay'a, le serment d'allégeance, à Othman ibn Affan après 3 nuits de la mort de Omar ibn Khattab. Donc Omar ibn Khattab est mort, et puis 3 nuits après, ils ont donné le serment d'allégeance à Othman ibn Affan. Et pendant ces 3 nuits-là, les gens venaient voir Abdurrahman ibn Auf pour lui donner des conseils. Et tout le monde qui venait vers lui, et c'était les gens, il dit, c'était les gens qui avaient une position puis une opinion, c'est-à-dire les gens de raison, les gens de connaissance, ainsi de suite. Ils venaient puis ils disaient tous qu'il n'y a personne qui était comparable à Othman ibn Affan. Donc c'est pour dire qu'ils étaient tous d'accord sur Othman ibn Affan. Et donc, ils ont fait la bay'a à Othman. Donc, le cheikh, il dit, regardez, la parole de As-Suyuti, quand il dit, فَلَا يَخْلُو بِهِ رَجُلٌ ذُو رَأْيٍ, c'est-à-dire, les gens qui venaient s'entretenir avec Abdurrahman ibn Auf pour lui donner les conseils, c'était uniquement des gens qui possédaient une raison, puis une compréhension, puis une connaissance. Ce n'était pas n'importe qui dans la population ou parmi les musulmans. Et donc ça prouve le point qu'on essaie de montrer, que ce n'est pas comparable au système démocratique. C'était une consultation qui était basée sur les principes de l'islam, une choura islamique, et non pas une élection ou des votes par toute la population en entier. Ce n'est pas tout le monde qui a choisi. Ensuite, il se base sur une histoire. Qui dit que Abdurrahman ibn Auf a consulté les femmes. Et cette histoire-là, c'est quoi? Ça dit que il a réuni l'opinion des gens, puis qu'après, il est allé vers les femmes qui étaient dans leur chambre, et il leur parlait, il leur a demandé leur opinion derrière le rideau. Le cheikh, il dit que cette histoire-là n'est pas mentionnée dans Al-Bukhari. C'est-à-dire, cette partie de l'histoire n'est pas mentionnée dans Al-Bukhari. Elle est rapportée dans Al-Bidayah wa Al-Nihaya de Ibn Kathir, mais elle n'est rapportée avec aucune chaîne de transmission. C'est-à-dire, il n'y a aucune chaîne de narration. Ça veut dire, on ne peut pas savoir si c'est authentique ou faible. Et il est rapporté ailleurs. L'imam Tabari, il l'a rapporté dans son livre Al-Rusul wa Al-Muluk. Dans ce livre-là, c'est rapporté avec une isnad, mais il n'a pas mentionné les femmes. Il n'a pas mentionné l'histoire des femmes. Et non seulement ça, elle n'est pas authentique, cette narration-là. Même celle-là, elle n'est pas authentique. Donc, ça prouve que c'est pas une preuve. Ils ne peuvent pas se baser sur cette histoire-là pour supporter ce qu'ils prétendent. Parce que dans le hadith, il y a des gens qui ne sont pas authentiques. Parmi eux, il y a Shahr ibn Hushib, qui sont pas des gens fiables pour apporter le hadith. Et il y a également Abu Mukhnaf, l'autre ibn Yahya. Ils ont dit des paroles très dures à son sujet. Et puis, également, dans l'autre isnad, il y a Abdul Aziz ibn Abi Thabit, Umran ibn Abdul Aziz al-A'raj. Et il est matrouk. En tout cas, il y a beaucoup de paroles qui sont mentionnées à ce sujet-là. C'est juste pour vous dire que cette histoire-là, elle n'est pas authentique. Celle qui mentionne qu'il a demandé l'opinion des femmes par la suite. C'est pas une histoire qui est sahiha. Ensuite, ils ont une autre shubha. Le point numéro 6 parmi les shubhat qu'ils rapportent. Al-intikhabat al-bid'iyya bil-bay'a, tashbihuhum. الانتخابات البدعية بالبيعة الشرعية بين الحاكم والمحكوم. C'est-à-dire que parmi leurs shubhat, ils font une comparaison entre la bay'a qui est dans la sharia, c'est-à-dire quand tu donnes ton serment d'allégeance au dirigeant, quand il prend, tu regardes qu'est-ce qu'il faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main et les sahaba mettaient leur main par-dessus la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis ils juraient ou ils donnaient leur allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qu'ils allaient l'obéir et qu'ils allaient croire, ainsi de suite. Quand ils embrassaient l'islam, mais après, ça restait pour, il y a eu d'autres situations ou d'autres cas où les sahaba donnaient des bay'ats aussi, comme bay'atul aqaba par exemple, hein, lorsqu'il y avait eu bay'atul aqaba, et aussi lors de d'autres occasions. Et des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la bay'a des sahaba pour des choses en particulier, hein, pour leur demander de faire certaines choses en particulier. Comme certains sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris un serment d'allégeance avec eux, qu'ils n'allaient pas demander rien à personne. Ça, c'est un exemple. Okay? Donc, ils pouvaient parfois avoir des bay'ats spécifiques à certaines personnes, pour certaines choses en particulier. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bay'ah, c'est uniquement pour le dirigeant musulman, celui qui est le président ou le chef de l'État. Sinon, il y a des gens de bid'ah parmi les groupes qui ont dévié de la sunna, qui acceptent la bay'ah des gens qui ne sont pas les, ou qui donnent la bay'ah à des gens qui ne sont pas des dirigeants. Comme par exemple, ceux qui donnent la bay'ah au chef d'une tariqa. Hein, et même, dans les soufis, ça c'est chez les soufis, ils donnent même la bay'a à leur chef comme s'il était un dirigeant. Hein. Et comme les tablirs aussi, ils ont une bay'a pour leur imam. Et comme les ikhwan aussi, ils ont une bay'a pour leur chef aussi. Et aussi d'autres jama'at, ils ont des bay'a. Des fois c'est une bay'a qui est ouverte, qui est faite. En plein jour comme tout le monde le voit, et des fois c'est une bay'a pour des groupes secrets, c'est-à-dire c'est des allégeances en secret, un peu comme les groupes des francs-maçons ou des choses comme ça qui se font des groupes secrets. Ils sont pas sont pas déclarés ouvertement qu'ils sont des groupes, c'est des groupes qui travaillent en sourdine, hein, en dessous de la table comme on dit, et on pense qu'ils font leurs activités comme ça indépendamment, mais non, ils sont tous reliés ensemble, puis ils travaillent ensemble dans une seule et même direction, mais c'est pas fait indépendamment de tout, c'est fait en suivant des directives d'un chef auquel ils ont donné une allégeance en secret. Et même si des fois leur chef leur demande de faire des choses contraires au Coran et à la Sunna, ils les suivent quand même. C'est-à-dire, ils ne vont pas les désobéir dans rien. Et ça, c'est bien entendu, c'est très dangereux, c'est très grave. Et c'est une grave bid'a de suivre cette voie-là. Et même, je me souviens dans certains sites, des soufis, par exemple des mourides au Sénégal, la tariqa des mourides, qui suivent Ahmed Bamba, ils appellent le chef de la tariqa, qui est par exemple un des descendants de Ahmed Bamba ou de ses petits-fils ou des choses comme ça, ils l'appellent le khalifa de la tariqa. Comme si c'est lui qui est le successeur du cheikh. Hein. Donc il lui donne même non seulement il lui donne l'allégeance, il leur donne l'allégeance à ces gens-là, mais il leur donne même un titre comme s'ils avaient une certaine autorité. Comme s'ils étaient un khalifa ou quelque chose de ce genre. Et ça, bien entendu, ça c'est contraire à l'islam, parce que dans l'islam, c'est le dirigeant qui a la bay'a et non pas un cheikh ou quelqu'un de ce genre. Et c'est grave, parce qu'on voit même dans certains pays, par exemple, sans mentionner de nom, et sans donner sans désigner les choses, mais il y en a qui, bien entendu, peut-être qu'ils le savent. Mais dans certains pays, les gens sont soumis aux soufis, et c'est eux qui dirigent tout. Même les élections, c'est eux qui décident pour les mourides qui va voter pour qui et qui va être au pouvoir. Et c'est pour ça même que dans ces pays-là, les dirigeants sont obligés de se rabaisser, d'obéir au chef de la tariqa pour pouvoir avoir les votes de ses fidèles. hein, et même au Soudan, même il y a un parti qui a été fondé, on avait expliqué ça dans la réalité du soufisme, il y avait un parti qui avait été fondé où le chef de la tariqa disait à ses mourides que s'il ne votait pas pour le chef de la tariqa, ils allaient être expulsés de la tariqa, puis qu'ils allaient avoir des menaces et des châtiments à cause de ça, et ainsi de suite. Et que le chef, soi-disant, il sait qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur. Donc, s'il ne vote pas pour le chef va le savoir, même s'il ne le montre pas ou ne le dise pas. Donc, ils font peur aux mourides comme ça. Et ils contrôlent les gens de cette façon-là. Donc, tout ça, c'est, bien entendu, des choses contraires à l'islam. Donc, comme on disait, pour revenir à la Shubha, c'est qu'il compare les élections à la bay'a. Il dit, c'est la même chose que le serment d'allégeance pour le dirigeant, de faire un vote. Et, bien entendu, il n'y a aucune comparaison, hein. Le cheikh, il dit, وهناك الجواب عن هذه الشبهة أن هناك فرقا بين البيعة الشرعية والانتخابات البدعية من وجهين. Ah oui. Un autre point aussi avant de mentionner la réponse à cette Shubha, c'est qu'il y en a qui comparent la bay'a que quelqu'un donne à un chef d'un groupe islamique ou à une organisation ou un mouvement islamique. Il compare cette bay'a au bay'a au fait de prendre un amir, hein. Il donne une bay'a à l'amir ou au chef du groupe. Il compare ça au fait qu'on doit prendre un amir quand on voyage. Hein. On dit quand tu pars en voyage, vous devez choisir un d'entre vous qui va être votre amir durant le voyage. Et donc, eux, ils prennent ça comme une comparaison pour dire les groupes islamiques sont un petit peu comme des amirs dans le voyage. Et en réalité, c'est une comparaison qui est complètement fausse. Les ulama ont réfuté cette shubha, ça n'a rien à voir. La preuve, c'est que ces gens-là ne sont même pas dans le voyage, premièrement. Et puis, l'amir dans le voyage, il n'a pas une autorité qui reste ou qui dure ou qui est absolue, ou qui est, disons, qu'il doit être obéi comme le dirigeant. C'est juste pour la durée du voyage, puis c'est juste pour prendre des décisions et aller dans le voyage pour éviter les problèmes et la fitna ou des choses comme ça. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Et il y a des choses qui ont écrit à ce sujet-là, qui ont dit des choses à ce sujet-là. Bon, probablement que même c'est mentionné aussi à la fin ou plus loin dans le livre. Mais je le mentionne juste comme ça, à titre d'exemple en passant. Le cheikh il dit, الجواب أن هناك فرقا بين البيعة الشرعية والانتخابات البدعية من وجهين. الوجه الأول أن البيعة الشرعية أو مشروعة قد جاءت النصوص بذلك، أما الانتخابات فمحرمة ومحدثة في الدين. أوكي. والوجه الثاني أن الحاكم في البيعة المشروعة يتصرف فيها كما يريد، كأن يطلب الحاكم المسلم من المجتمع أن يبايعه على عدم الإشراك بالله والسرقة أو على السمع والطاعة وما شابه ذلك. أما الانتخابات فالمنتخبون هم الذين يتصرفون في الحاكم كما يريدون. فيتبين من ذلك أن الحاكم في البيعة يكون متبوعا بعكس الانتخابات، فإنه حينئذ يكون تابعا. والفرق كبير بين الحالتين، بين أن يكون متبوعا وبين أن يكون تابعا. فظهر بذلك بطلان دعوى أن الانتخابات كالبيعة الشرعية والله أعلم. Donc le cheikh il dit, la réponse à cette shubha, premièrement, il y a deux points de vue sur lesquels on peut montrer les différences entre les deux, entre les élections puis la bay'a. Premièrement, la bay'a qui est en accord avec la sharia, ça a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna, et il y a des preuves à ce sujet-là. En ce qui concerne les élections, il n'y a aucune preuve dans la sharia, et non seulement ça, mais c'est interdit comme on l'a montré depuis le début. C'est quelque chose qui a été rajouté dans la religion, inventé dans la religion. Le point numéro 2, c'est que la bay'a, qui est légiférée dans l'islam, lorsque on la donne au dirigeant, il fait qu'est-ce qu'il veut avec. C'est-à-dire, il va prendre cette allégeance sur le fait qu'on ne doit pas faire de shirk, qu'on ne doit pas voler, qu'on doit écouter et obéir dans le bien, ainsi de suite. Puis, par la suite, il prend ses décisions, puis il gère la société et les musulmans. Tandis que dans les élections, eh bien, c'est les électeurs qui dirigent le président ou le chef. C'est eux qui lui disent, lui indiquent ou qui lui demandent de suivre la société. Donc, c'est pas la société qui suit le dirigeant, mais c'est le dirigeant qui suit la société, ce que la société lui demande. Et ça, bien entendu, c'est le contraire de la bay'a, et bien entendu, c'est le contraire de l'islam. Et c'est contradictoire. Donc, ça montre qu'en réalité, il n'y a pas de ressemblance entre la bay'a dans la sharia et la démocratie. Ça, c'est ce que le cheikh a mentionné. Puis, j'avais entendu une fois, cheikh Rabi', hafizahullah, qui disait que la bay'a est également, elle est basée sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire, elle est basée sur le témoignage de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tandis que, si on regarde dans les élections, bien entendu, c'est pas basé sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, ça montre que, il n'y a pas de comparaison entre les deux, puisque les élections et la démocratie, à la base, ça ne vient pas de l'islam. Le chef, il dit ensuite, قولهم أن الانتخابات من الأمور الاجتهادية. Ça, c'est un autre point, et c'est le point dont je vous disais au début que c'était un point très important. À ce point-là, le chef, il s'est un petit peu attardé plus longtemps à cette question-là. Pourquoi? Parce que il clarifie d'autres points avant de répondre à la question de l'ijtihad elle-même. Pourquoi? Parce que il parle des questions d'ijtihad, puis que dans certaines questions, parfois, il y a des savants qui peuvent se tromper. Hein? Et donc, avant d'expliquer le fait que, avant de répondre à cette question-là, il donne des exemples des positions extrêmes de certaines personnes. Donc, il donne des positions extrêmes par rapport à certaines personnes vis-à-vis des erreurs de certains savants. D'accord? Il y a deux extrêmes parmi les groupes musulmans dans l'attitude à prendre face aux erreurs des savants de l'islam et aux erreurs des individus. Il y a un extrême, c'est les haddadiyya. Hein? Les haddadiyya, c'est qui? C'est des gens qui passent leur temps à attaquer les savants de Ahl-Sunnah et Al-Jama'a, à leur trouver des fautes et à les rabaisser et à les insulter. Haddadiyya. Ouais. Ça, c'est des extrémistes. Et il y a l'autre extrême, c'est ceux qui, au contraire, eux, ils prennent les gens de bid'a et les égarer, et puis ils les élèvent au niveau d'imams et de grands savants de l'islam, et ils les honorent, et ils les respectent, et ils les glorifient. Hein? Donc vous avez les deux extrêmes. Les haddadiyya, qui essaient de rabaisser les savants, et les sururiyya et les qutbiyya, qui essaient d'élever les gens de bid'a et de les glorifier, puis en même temps ils rabaissent les vrais savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Hein? Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font, les sururiyya? Ils cherchent toutes les excuses possibles pour les gens de bid'a, puis ils rabaissent les grands savants de l'islam, ils n'ont pas de pitié envers eux, et tandis que les haddadiyya, ils rabaissent tout le monde. Ils n'ont de pitié pour personne. Que ce soit des savants ou des innovateurs ou quoi que ce soit, des gens qui sont bien guidés, ainsi de suite, ils ont de pitié pour personne, ils rabaissent tout le monde. Donc, le cheikh, il explique la position de Ahl-Sunnah wa Jama'a, la position de la justice par rapport à ces deux extrêmes. D'accord? Donc, c'est pour ça que le chapitre, le point en question, il est plus long. Juste pour vous donner un exemple, il commence à en parler à partir de la page 153 et il en parle jusqu'à la page 172 ou 171. Donc ça veut dire que, yani, il en parle pendant un bon nombre de pages. Et la raison de ça, c'est parce qu'il va mentionner plein d'exemples, de citations, des paroles des savants, d'exemples de chacun des deux extrêmes, et puis à la fin, il va clarifier la question. Donc, le cheikh, il dit, premièrement, au point lorsqu'il mentionne, quand ils disent que les gens qui essaient de défendre la démocratie, ils disent quoi? Ils disent que les élections, ça fait partie des questions d'ijtihad. Ils disent que ça fait partie des questions d'ijtihad, dans le sens que, disent ça, c'est une ijtihad, c'est l'effort d'un savant ou de certaines personnes pour essayer de rendre quelque chose, pas rendre quelque chose halal, mais pour essayer de voir est-ce que c'est correct ou permis dans certaines situations ou dans certains cas. Puis ils disent que ça rentre dans les questions d'ijtihad. Ok? Puis je vais donner des clarifications. Mais juste avant de rentrer dans le texte, il y a une note de bas de page, parce que comme je l'avais dit au premier cours, ce livre-là, lorsqu'il a été terminé, le cheikh qui l'a écrit est allé s'asseoir avec le cheikh Mouqbil au Yémen, et d'autres cheikhs aussi, et il a lu le livre au cheikh. Puis le cheikh il l'a écouté, puis il a fait quelques commentaires parfois. Parmi les commentaires qu'il a fait, justement le commentaire suivant, qui est mentionné en note de bas de page, il dit « قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله والذي يظهر لي أنه ليس كل اجتهاد يؤجر صاحبه ومن الاجتهاد وعليكم السلام ورحمة الله ومن الاجتهاد الذي لا يؤجر عليه صاحبه هو الاجتهاد لتجويز المشاركة في الديمقراطية التي معناها الكفر والتي فيها الأدلة ظاهرة جدا ومتكاثرة كثرة لا تبقي للاجتهاد محلا أصلا والله أعلم. Donc le cheikh Mouqbil يعني رحمه الله il a dit à ce sujet là, et ce qui m'est apparent à ce sujet là, c'est que c'est pas toute forme d'ijtihad, c'est pas la personne qui fait l'ijtihad, c'est les gens qui font l'ijtihad, c'est pas chacun d'entre eux qui sont récompensés pour leur ijtihad. Parce qu'il dit qu'il y a certaines formes d'ijtihad, celui qui le fait n'est pas récompensé, et c'est l'ijtihad pour faire rendre licite ou pour permettre de participer à la démocratie et aux élections. Parce que la démocratie, ça veut dire le coffre. Ça veut dire le coffre. Et les preuves à ce sujet-là sont apparentes et très claires. Et elles sont très très très nombreuses, elles sont tellement nombreuses qu'il ne peut pas y rester de place pour une ijtihad quelconque. Donc lui, il dit à la fin, Wallahu a'lam, mais Allah il sait mieux. Et c'est pour dire que le cheikh lui, il considère que la question de l'ijtihad pour les élections, ça ne rentre pas en jeu. Il n'y a pas de place pour l'ijtihad dans ce sujet-là parce que la question est trop claire selon lui. Donc ça c'est l'exemple de la parole de Cheikh Mouqbil, il dit que celui qui fait un ijtihad à ce sujet-là, il n'est pas récompensé pour son ijtihad. Même si en général, quelqu'un qui fait un ijtihad, il est récompensé même s'il se trompe parmi les savants. Donc c'est un commentaire du Cheikh. Ensuite il dit, le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, il dit, إن هذا القول قد يكون مبنيا على أن بعض أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة السلفيين أفتى بجواز المشاركة في الانتخابات من باب المصلحة أو من باب دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. Donc le cheikh il dit, certaines personnes ont dit que la démocratie ou les élections fait partie des questions d'ijtihad. Et ceux qui disent ça souvent, ils le disent pourquoi? Parce que c'est le fait que certains savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a auraient fait une fatwa parmi les savants salafis, certains d'entre eux auraient fait une fatwa pour dire qu'il est permis de participer à la, aux élections, dans le sens qu'il y a un bienfait là-dedans, ou dans le sens qu'on veut repousser un mal qui est plus grand par un mal plus petit. Hein? Il y a un mal qui est plus grand, puis il y a un mal qui est plus petit, donc on veut prendre celui qui est plus petit pour enlever celui qui est plus grand. Et donc, leur argument à ces gens-là, c'est que si on vote pas, c'est si on vote pas pour les bons candidats, les candidats soit qui sont soi-disant musulmans ou qui sont plus proches de qu'est-ce qui est bon pour nous, eh bien dans ce cas-là, les gens vont voter pour ceux qui sont mauvais. Et ça, ça va ramener plus de mal. Donc, leur argument, c'est de dire, étant donné que on veut éviter ça, on veut éviter que cette personne-là qui est qui est plus mauvaise prenne le pouvoir, on vote pour faire en sorte que c'est la personne qui va être meilleure ou moins mauvaise qui va être au pouvoir. Donc ça c'est leur argument dans ce sujet-là, et certains savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, des salafis, auraient fait des fatwas pour permettre ça. D'accord? Ça c'est certains savants, c'est pas tous les savants, puis on va voir lesquels, puis on va expliquer notre position par rapport à ça. Qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça? Non, ouais, mais il parle comme s'il y en aurait une autre dans l'avenir. Comment devraient agir les musulmans dans des cas comme ça? Comme moi, Wallahu A'lam, comme Cheikh Fawzan, il l'a dit dans la fatwa qu'il a fait à ce sujet-là, les musulmans qui viennent, premièrement, on n'a pas le droit de rester ici. Deuxièmement, si on est ici, on ne doit pas se mêler de ces affaires-là. On fait notre travail, on fait nos études, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, si c'est une nécessité, puis après on cherche le moyen de retourner ou de s'en aller. Ça c'est la position du cheikh. Et commencer de se mêler des élections et tout, déjà ça prouve qu'il y a un problème. Parce que les gens qui rentrent dans ça et qui ont ces idées-là, c'est avec l'idée que, soi-disant, on est des citoyens à part entière, on est des Canadiens, il faut s'impliquer, il faut s'intégrer, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, nous, on veut, ceux qui sont venus ici, moi je suis né ici, mais ceux qui sont venus ici, de leur plein gré, qui sont venus des pays musulmans, qui sont venus vivre ici, si c'est pas pour une nécessité, ils devraient retourner dans leur pays, tout de suite, s'ils sont capables. S'ils sont pas capables, lorsqu'ils sont capables de le faire le plus tôt possible. Mais s'ils sont venus pour une nécessité, qu'ils sont venus ici soit pour étudier ou pour travailler certains temps pour ramasser de l'argent, retourner dans leur pays ou des trucs comme ça, ou apprendre quelque chose qui est nécessaire pour eux, ou bien faire un traitement médical ou des choses comme ça, et puis ils retournent dans leur pays par la suite, mais ils vont pas commencer à se mêler des choses qui ont rapport avec le pouvoir, puis le gouvernement, puis les choses de ce genre. Ça c'est la position, mais sinon les gens, les Ikhwan, eux, leur manhaj, c'est de rentrer dans les élections, puis de participer à la société des koufars pour essayer de contrôler qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en utilisant cette méthode-là. Et bien entendu, c'est pas une méthode qui est en accord avec le Coran et la Sunna, mais ces gens-là, ils n'ont aucun intérêt à ce sujet-là. En ce qui concerne la question de l'indépendance ou des trucs comme ça, ça ne regarde pas. Ça, c'est eux qui font qu'est-ce qu'ils veulent. S'ils veulent se séparer, qu'ils se séparent. S'ils veulent rester ensemble, qu'ils restent ensemble. Ça, c'est leur problème entre eux. De toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à leur sujet, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. Ça, c'est la réalité à propos des kuffars, des juifs et des chrétiens et des autres. Ils sont tous unis, hein, ils sont tous assis ensemble là dans leur parlement puis tout. Tu les croirais unis alors qu'ils sont tous divisés entre eux. Hein. Les Canadiens détestent les Québécois détestent les Canadiens. Puis ils veulent tous se séparer, les Anglais contre les Français contre les Anglais. Même s'ils ont presque la même religion, la même langue. Hein. Entre l'anglais et le français, il n'y a presque pas de différence. Hein. Il y a des différences, mais il y a plein de mots pareils. Hein. C'est des cousins, là. Hein. Entre l'Angleterre et la France, il y a toujours eu des liens depuis bien longtemps. Ouais, non, mais à un moment donné, même dans le Parlement de l'Angleterre, ils parlaient français. Au Parlement en France, là, dans les années 1600, ils parlaient français, la cour parlait français. C'était la langue de... En plus, ils se mariaient tous entre cousins, les rois à l'époque. Toutes les familles royales, ils se mariaient tous entre elles. Donc, il y avait des liens de parenté entre tous ces royautés européennes-là. Ils étaient tous reliés. Bon, de toute façon, c'est pas ça notre sujet. Nous, notre sujet, c'est quoi? C'est qu'on veut savoir qu'est-ce que c'est la position par rapport à ça lorsqu'on voit des fatwas de certains ulama qui disent que dans certaines situations ou dans certains cas, ça peut être permis par rapport à un bienfait ou par rapport du fait qu'on veut éloigner un mal plus grand par un mal qui est moins grand. Qu'est-ce qu'on dit à ce sujet-là? Et le cheikh, il répond en disant premièrement que on doit avoir premièrement un grand respect pour nos ulama. Le cheikh il dit فأقول أولا إن الذي ندين الله تعالى به لعلمائنا الأفاضل كل حب وتقدير واحترام ونعتقد أن الطعن فيهم طعن لما يحملونه من منهج وأن ذلك من علامات أهل الزيغ والبدع. Il dit premièrement, notre attitude par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre religion, au sujet des grands savants de l'islam, c'est qu'on a dans nos cœurs plein d'amour pour eux, de respect hein, et d'estime, d'accord, pour les savants de l'islam. Et on considère et on croit que le fait de les attaquer, hein, ou de les critiquer, de parler contre eux, c'est comme si on est en train de critiquer le manhaj qu'ils portent. Et ça fait partie des signes des gens qui sont sur la déviation et l'innovation, d'attaquer les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et il mentionne des paroles à ce sujet-là. Qala Abu Hatim al-Razi, un des grands imams des salaf, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-asar. Une des paroles des salafs à ce sujet-là, ça dit, les paroles d'Abu Hatim al-Razi, il dit, un des signes, parmi les signes des gens de l'innovation, c'est qu'ils attaquent les savants qui sont sur la sunna et qui suivent al-Asar, qui suivent les traces et la révélation et les narrations qui sont rapportées des sahaba, ainsi de suite. Donc, ça c'est un de leurs signes, c'est ça. Depuis que tu vois quelqu'un qui critique les imams et les ulama d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, tout de suite tu peux savoir que c'est des gens qui sont sur la bid'ah, qui ont un problème dans leur manhaj et dans leur compréhension de l'islam et dans leur attitude et dans leur position. Parce que c'est pas possible qu'ils soient sur le droit chemin et qu'ils critiquent hein, et ils traitent d'égarés les gens qui sont sur le droit chemin. Hein, c'est pas concevable, quelque chose comme ça. Donc le cheikh dit مع ذلك ومع ذلك فإننا لا نعتقد في أفرادهم العصمة بل نقول قد يقع الخطأ من أحدهم وهو في ذلك مأجور بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد يعني لو حديث هذه فله أجر ففعلت لا أبو نذير لا جزء أجر واحد donc ça c'est متفق عليه من حديث عمرو بن العاص donc le cheikh il dit nous croyons c'est à dire nous les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah nous croyons que il n'y en a pas un parmi eux qui est infaillible, c'est-à-dire nous ne croyons pas qu'un d'entre eux est infaillible parmi les imams et les savants de l'islam. On croit que l'erreur est possible d'arriver, il peut y arriver des erreurs de la part de certains d'entre eux, hein, et que lorsqu'il fait une erreur dans une ijtihad, il est récompensé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le juge fait une erreur, lorsque le juge, le dirigeant juge, et qu'il, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les dirigeants, c'était eux qui étaient les juges. Le dirigeant, il était un juge aussi. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, les dirigeants dans les pays musulmans, c'est eux qui tranchent quand il y a des conflits entre les juges, ils peuvent trancher. Donc c'est pour dire que donc on appelle les juges, les dirigeants les appellent des juges en arabe. Donc il dit lorsque le juge fait une erreur, donc lorsque le juge fait un jugement, il a hakama al-hakim fajtahad, s'il fait un ijtihad, puis il a une bonne réponse ou il arrive à la vérité, dans ce cas-là il a deux récompenses. Mais s'il fait un ijtihad et il juge et qu'il se trompe dans son jugement, dans ce cas-là, il n'a qu'une seule récompense au lieu de deux. Donc il est récompensé dans les deux cas. Sauf que s'il a atteint la vérité, il a deux récompenses au lieu d'une. D'accord? Et s'il a, mais s'il se trompe, il a juste une et non pas deux. Ça c'est rapporté selon Amr ibn al-As, et c'est authentique, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Amr ibn al-As. Ensuite il dit, قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على تبويب البخاري لهذا الحديث يشير إلى أنه لا يلزم من رده حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك بل إذا بذل وسعه أجر فإن أصاب ضعف أجره ولكن لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم. Donc il dit, يعني يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأ أن يأثم بذلك. Donc l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, lorsqu'il a parlé du fait que l'imam al-Bukhari a mis ce hadith-là dans ce chapitre, dans son livre, il dit, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari, un des commentateurs de al-Bukhari, il dit que le fait qu'on rejette le jugement qu'il a fait ou la fatwa qu'il a fait en faisant une ijtihad, et que le fait qu'il a fait une erreur dans cette ijtihad-là, on ne dit pas à cause de ça que yani, il a fait un péché, pas à cause qu'il a fait une erreur, non. Il a fait son effort, il a fait son possible, et donc il est récompensé. Mais s'il a la bonne réponse et qu'il atteint la vérité, dans ce cas-là, sa récompense sera multipliée. Hein? Mais, yani, il dit, celui qui fait une ijtihad ou qui juge sans connaissance et qui s'avance à parler de ces choses d'ijtihad, sans connaissance, dans ce cas-là, lui, il aura un péché parce que il a essayé de faire une ijtihad sans connaissance. L'excuse ou le pardon dans la question, dans l'erreur, dans l'ijtihad, c'est uniquement lorsque quelqu'un est un savant et qu'il a les outils et les connaissances nécessaires pour faire l'ijtihad. Toutefois, si quelqu'un n'est pas apte, n'a pas les connaissances nécessaires pour faire l'ijtihad, s'avance dans ces questions-là et qu'il se trompe, bien entendu, il sera pécheur, il n'aura pas d'excuse, il ne sera pas excusé. Ensuite, le Cheikh dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا وهذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا لا في مسألة عملية ولا علمية. Le Cheikh il donne une citation de l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit lorsque ils disent, c'est-à-dire les savants, ils disent, et ça c'est la parole qui est bien connue de la part des Sahaba et des Tabi'in qui les ont suivis dans le bien et des imams de la religion. Ils disent qu'on ne va pas dire de quelqu'un qu'il est kafir, ou qu'il est fasiq, ou qu'il est athim, ou qu'il est pécheur. On ne va pas dire au sujet d'aucun parmi les mujtahidins qui ont fait une erreur qu'il est kafir, ou qu'il est fasiq, pécheur, ou qu'il est athim. Ça c'est des termes que le cheikh explique, il dit, aucun d'entre les imams d'Ahl-Sunnah, parmi les Sahaba et les Tabi'in, ne considère celui qui fait l'ijtihad et qui se trompe comme étant un kafir, ou un fasiq, ou un pécheur, ou un athim, dans une question qui a rapport avec la science, ou la connaissance, ou qui a rapport avec les pratiques et les actions. Vous comprenez? Donc ça veut dire que les imams de l'islam et les sahaba et les imams de l'islam et les tabi'in, ils n'ont jamais déclaré quelqu'un kafir ou fasiq ou athim à cause d'une erreur qui est arrivée de la part d'un savant dans une question d'ijtihad dans laquelle il s'est trompé. Ça c'est la position d'Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là. قال أيضا فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب المحققة أما ما اجتهدوا فيه تارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. Le cheikh, il dit ensuite, une autre parole de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, il dit, en ce qui concerne As-Siddiqoun, les gens qui sont les véridiques parmi les grands, les vrais croyants et les grands croyants, ou bien les shuhada, les gens qui sont des martyrs, ou les hommes pieux qui sont vertueux, aucun d'entre eux n'est infaillible de faire des péchés. C'est-à-dire, ils peuvent tous se tromper, faire des erreurs et faire des péchés. Mais, lorsqu'ils font une ijtihad, alors parfois ils ont raison et parfois ils se trompent. Hein? Et si ils ont fait une ijtihad et qu'ils ont eu la vérité, ils ont atteint la vérité dans cet ijtihad-là, ils auront deux récompenses. Toutefois, s'ils ont fait une ijtihad et qu'ils se sont trompés, alors ils auront une seule récompense pour l'ijtihad qu'ils ont fait et leur erreur sera pardonnée pour eux. Ensuite, le cheikh il dit, وقال ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. Il dit également, Ibn Taymiyyah, dans Majmou' al-Fatawa, que la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, c'est que quelqu'un, un savant de l'islam, quand il fait un ijtihad et qu'il se trompe, il n'est pas pécheur pour ça. Il n'est pas pécheur pour ça. Donc il a fait un ijtihad. Et là, on parle bien entendu des savants. On ne parle pas de n'importe qui n'est pas un savant, qui fait des erreurs dans la religion, qui parle sans connaissance. Ensuite, le cheikh il donne un autre exemple. Il dit, وقال أيضا إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عالية بمكانة عليا قد تكون منه الهفوة والزلة وهو فيها معذور بل مأجور لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين. Le cheikh il dit également, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans le livre Bayan al-Dalil ala Butlan al-Tahlil, et Ibn al-Qayyim il dit également ça dans I'lam al-Muwaqqi'in. Donc la parole de Ibn Taymiyyah ça dit que un homme qui est respecté, qui a une place importante dans le cœur des gens par rapport à l'islam, qui a fait du bien pour l'islam et qui a eu un bon effet sur les gens par rapport à l'islam et par rapport aux musulmans, et que les gens le considèrent avec beaucoup de respect et qui lui donnent une position et un statut important. Peut-être qu'il peut y arriver de lui quelques erreurs parfois, ou quelques fautes, quelques chutes dans certains sujets. Et il est excusé dans ces choses-là, et même parfois récompensé, même dans ces erreurs-là, parce qu'il les a fait par rapport à ijtihad, il les a fait en faisant un effort pour atteindre la vérité. Malheureusement, il a manqué son coup, il a fait une erreur. Donc, le cheikh il dit, il n'est pas permis dans un cas pareil, de suivre ce qu'il a fait comme erreur dans ce cas-là. Là, il y a toujours un yutaba fi ma'abata et makanati. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de le suivre dans cette erreur qu'il a fait là, mais il reste avec son statut et on considère à le prendre avec considération dans le cœur des croyants. Son statut et son degré, l'amour qu'on a pour lui dans notre cœur doit rester là, le même. Sauf qu'on ne doit pas le suivre dans l'erreur qu'il a fait. D'accord ? Ça c'est très important. قلت تأمل رحمك الله إلى هذا المنهج الوسط المعتدل بين إفراط الحداديين وتفريط السروريين القطبيين. Donc le cheikh il dit, regardez donc cette attitude qui est une attitude du juste milieu dans la position vis-à-vis des erreurs des savants de l'islam. Et ça, c'est une attitude qui est entre les extrêmes, hein. C'est-à-dire, c'est une attitude qui est au juste milieu par rapport aux extrêmes des Hasadiyas et l'extrême, l'autre extrême qui est l'extrême des Sururiyas al-Qutbiyas. Et au début, je vous ai expliqué un petit peu c'était quoi ces extrêmes-là, hein, les Haddadiyas qui respectent personne et les Sururiyas et les Qutbiyas qui élèvent des gens de Bid'a et les mettent à des niveaux comme s'ils étaient des savants et des imams de l'islam. Donc nous on va s'arrêter ici aujourd'hui avec ce point-là. Puis la semaine prochaine, inchallah, on va commencer à partir de ce point-là et on va donner les exemples des deux extrêmes et des deux cas pour que ce soit vraiment plus facile à comprendre. Comme ça, on ne va pas commencer l'explication d'un des deux extrêmes puis laisser l'autre. On veut expliquer les deux en même temps si c'est possible, inchallah. Hadadiya, oui. Non. Haddadiya. Oui. C'est tiré du nom d'un homme qui est égyptien qui s'appelle Mahmoud al-Haddad. Ok? Mahmoud al-Haddad, c'était un homme qui est apparu dernièrement, ça fait pas trop longtemps, qui commençait à critiquer puis attaquer les savants de l'islam qui ont fait des erreurs comme Ibn Hajar al-Asqalani et l'imam al-Nawawi, et même à un moment donné, il voulait même faire brûler le livre de Fath al-Bari à cause de certaines erreurs qu'il y avait dedans. Donc ça, c'est des gens qui sont arrivés à un extrême à ce sujet-là. Bien sûr, ils ont été réfutés par exemple, Cheikh Rabia qui l'a réfuté, et également Cheikh Mohamed Aman al-Jami qui l'ont réfuté également. Et aujourd'hui, il y a un autre qui a pris le flambeau de la Haddadiyya, c'est Falih al-Harbi. Hein, parmi les gens qui ont pris ce flambeau-là et qui suivent cette voie-là, malheureusement. Donc nous, on va s'arrêter ici à ce point-là, puis on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. On a terminé le cours 19 et la semaine prochaine sera le cours 20, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.